préparant mon intervention, je me suis arrêté sur le thème de la matinée, les acteurs. J'ai un parcours un peu plus anthropologique que sociologique et je suis assez peu familier de cette notion d'acteur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait naïvement? J'ai tapé sur Google « acteur ». Et je dis naïvement parce que l'industrie du cinéma étant bien mieux représentée sur Internet que la recherche sociologique, je suis tombé sur la page « acteur de cinéma » du coup sur Wikipédia. Et ça va me permettre de faire deux remarques pour articuler un paradoxe qui me servira tout au long de mon intervention. Donc première remarque, passer par le cinéma m'a rappelé que la notion d'acteur comporte une question de rôle à jouer. Si ça veut bien avancer... Problème technique, ça avance pas. Attends que ce soit résolu. Donc il y a une question de rôle à jouer, le rôle de médecin, le rôle d'infirmière, le rôle de patient, mais aussi plus largement les rôles masculins, féminins, etc. De professeur. Bref, tout cet ensemble classique de rôles sociaux qui ne suffit plus. Beaucoup de mes lectures et de mes observations me disent que ça ne suffit plus à décrire convenablement les identités contemporaines, le rapport à soi, aux autres, le rapport au monde. Ces identités qui sont étudiées par différentes disciplines, elles sont décrites comme fragmentées, diffuses, et donnent à voir une articulation nouvelle entre l'individu et la société, et plus donc classiquement entre l'individuel et le collectif. Première remarque donc, le constat empirique de rôles dans lesquels les acteurs se défendent, parfois violemment, d'être catalogués, réduits à ce seul rôle, à une catégorie, donc à un certain déterminisme. Et paradoxalement, c'est ma deuxième remarque, dans un même temps, il y a une forte demande de reconnaissance sociale, politique, affective de ces identités, de ces rôles sociaux. Et c'est vraiment très visible dans le champ de la cancérologie, cette logique d'une demande de reconnaissance de ces rôles, de ces identités, une demande de légitimation sociale, politique, de ces catégories dont on se défend pourtant d'appartenir de manière totale. Et c'est peut-être ici un premier élément de réflexion sur le titre même du colloque « Les terrains du cancer, mutation et ou constante du modèle de santé français ». Constance dans l'implication des acteurs sur le terrain, mais peut-être nouveauté, mutation dans la demande de reconnaissance de l'implication de ces acteurs. On retrouve cette tendance d'une logique de reconnaissance dans les différents plans cancer, mais je vais parler du dernier, le plan cancer 3. L'un des objectifs précise une ambition, permettre à chacun d'être acteur de sa prise en charge. Je retiendrai trois thèmes dans lesquels il fait promotion de la figure d'un acteur malade, acteur de ses soins. L'accès à l'information, qui est un acquis de la loi du droit des malades de 2002. L'éducation thérapeutique, avec la nouveauté, je vais rebondir, hein, c'est assez stimulant de passer à la fin, j'ai envie de rebondir sur tout. Avec la nouveauté, le patient ressource, c'est-à-dire l'intervention de pairs, des anciens patients ou d'anciens malades auprès des malades et de l'équipe soignante. Et dernier thème, la démocratie sanitaire, c'est-à-dire favoriser la poursuite de l'implication des patients et de leurs représentants dans la construction des politiques de santé. On les appelle aussi des usagers, d'ailleurs le qualificatif a été récemment refusé par les patients, ce qui illustre bien la demande de reconnaissance de catégories qu'on n'accepte pas totalement, à partir desquelles on va discuter, on va réfléchir, quel usage fait-on des usagers, est-on usager ES après usage, etc. Pour présenter ma thèse, je m'appuie aussi sur le plan cancer 3 et sur les différents plans cancer avec la mise en évidence d'une tension entre d'un côté une standardisation des protocoles de prise en charge pour lutter contre les inégalités de prise en charge, qu'on soit pris en charge de la même manière qu'on soit ouvrier dans une banlieue de Lille ou cadre en région parisienne. Et d'ailleurs c'est un des objectifs, sinon la priorité du plan cancer 3, le sous-titre « Donnons les mêmes chances à tous partout en France ». Donc d'un côté, cette logique de standardisation, et d'un autre côté, une volonté très nette de personnaliser les prises en charge. Si je prends une mesure du deuxième plan cancer, l'objectif était de personnaliser les prises en charge pour les maladies rares et génétiques, ou pour les enfants, adolescents et personnes âgées. On personnalise la prise en charge donc soit à partir de pathologies, maladies rares, génétiques, soit à partir de catégories sociales, enfants, ados, personnes âgées. Et alors, partant de cette réflexion, je me suis posé la question suivante pour ma thèse. Que veut dire alors personnaliser le soin? Autrement dit, à partir de quels éléments prend-on en charge de manière personnalisée? Et pour tenter de répondre à cette question, je me suis intéressé à la mise en place de nouveaux dispositifs de prise en charge dans la prise en charge des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, que je vais appeler souvent les AJAC, adolescents et jeunes adultes atteints de cancer. J'ai fait un terrain de 6 mois en tant qu'animateur dans la première unité française dédiée à cette population. Je vais vous en parler dans une partie. J'ai mené des entretiens avec les médecins et soignants impliqués dans la mise en place de ces dispositifs. Et j'ai fait également des observations en Angleterre, avec des entretiens auprès de professionnels de santé et d'acteurs associatifs, puisque pour vous donner une idée, la première unité anglaise dédiée aux AJAC, c'était en 1990 en Angleterre, et 2011 pour l'unité française à Saint-Louis. Je vais donc aujourd'hui vous présenter dans un premier temps mon analyse, une sorte d'analyse socio-historique de la naissance de ce modèle de prise en charge, puisque j'y ai été invité à en parler aujourd'hui, sous le prisme de la reconnaissance de deux types d'acteurs, le malade et les professionnels. Puis je vais articuler à la notion d'acteur deux autres notions, l'expérience et la parole. Deux notions qui sont au cœur de mon travail qui vont me permettre aujourd'hui de nourrir une réflexion critique sur la place de ceux qui portent le nom pour cette journée de nouveaux acteurs dans le champ de la cancérologie. Et ces nouveaux acteurs seront, dans mon propos, dans l'ordre, les acteurs associatifs, les chercheurs en sciences humaines et sociales, les professionnels de santé et les patients. Première partie sur l'analyse socio-historique donc de ce modèle de prise en charge personnalisée. Je vais parler rapidement, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, avec les malades du sida dont ni la science ni la médecine, dès les premiers cas, n'est en mesure de fournir une réponse satisfaisante à ce que vivaient ces patients. Et il semble du coup que le colloque singulier entre le médecin qui dispose d'un savoir et le patient qui est tributaire de ce savoir pour guérir ait été profondément impacté par cette situation. Certains médecins parlent même d'une alliance qui s'est formée entre eux et ces patients, en même temps que les malades du sida restaient profondément stigmatisés. Et l'arrivée de la thématique du sida dans l'espace public est largement due, beaucoup d'entre vous le savent, au regroupement de ces patients en associations ou mouvements militants, et la mise en place d'actions, on se rappelle le préservatif géant sur l'obélisque de la Concorde, du coup relais médiatique international pour la cause de ces patients. Alors je fais ce détour socio-historique par le vécu des malades du sida parce que dès la fin des années 90, les patients atteints de cancer vont s'inspirer de cette dynamique et se mobiliser les états généraux des malades du cancer organisés par la Ligue contre le cancer sur l'année 1998 avec des réunions d'échanges un peu partout en France avec pour objectif de recueillir la parole des malades. Ce recueil de témoignages de patients atteints de cancer aboutit à la publication d'un livre blanc des malades du cancer en 99 qui reprend sous forme de doléances le contenu de ces échanges. Il y a donc une émergence de la figure du malade atteint de cancer avec la reconnaissance de la dimension subjective de la maladie. Et cette reconnaissance sociale s'est accompagnée peu de temps après d'une reconnaissance politique avec une série de réformes et de lois relatives aux droits et au statut des malades. La loi sur le droit des malades de 2002, le premier plan cancer de 2003, le deuxième, la création de l'Institut national du cancer pour mettre en place les objectifs du plan. Et on trouve dans le deuxième plan cancer cette mesure qui propose de développer des prises en charge spécifiques pour les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, avec la sollicitation des associations généralistes pour les malades du cancer comme la Ligue ou plus spécifiques pour les adolescents comme Jeunes Solidarité Cancer ou CHIRUP. Pour la reconnaissance de la figure du malade, il y a donc la reconnaissance du malade atteint de cancer, de ses besoins spécifiques, avec une prise en charge, oui, thérapeutique, mais aussi adaptée socialement, psychologiquement, soit une reconnaissance du statut de malade, une reconnaissance de la singularité de l'expérience personnelle de la maladie, avec des droits. Pour aborder la reconnaissance des professionnels de santé, ou plutôt la reconnaissance d'une spécialité adolescent jeunes adultes atteints de cancer, avec des pratiques et un savoir spécifique, on peut partir de la question suivante. Comment, à un moment donné, s'est posée la question d'une prise en charge entre les prises en charge pédiatriques et adultes? Alors, ça part d'un constat épidémiologique. Dès 1996, les médecins remarquent que les 15-25 ans atteints de cancer guérissent moins bien que les adultes et les enfants. Et les progrès médicaux sont moins rapides pour cette classe d'âge. Les médecins ont tenté de comprendre pourquoi et on peut avancer plusieurs facteurs qui montrent bien l'intrication forte du social et du biologique. premier élément de réponse, c'est ce qu'on appelle la transition organisationnelle, le passage d'une prise en charge d'un service pédiatrique à un service adulte. Et là, plusieurs choses sont apparues. L'existence de deux cultures médicales distinctes, la culture pédiatrique, vue par les adultes comme trop maternante, trop infantilisante à excès pour des jeunes patients trop chouchoutés, coucounés, privés de l'information médicale en raison de la place excessive des parents dans la relation de soins. Et de son côté, la culture adulte qui est vue par les pédiatres comme déshumanisante, avec un faible intérêt accordé à l'échange et à la vie du patient au profit du traitement d'une maladie. Il est grand, il se débrouille, on ne va pas lui tenir la main. Ce sont bien sûr des représentations bien schématiques, mais c'est clairement ressorti en entretien. On peut comprendre alors que pour les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, trop grands pour être traités comme des enfants, mais trop petits pour être réellement considérés comme des adultes, la prise en charge se situerait entre les deux, entre la pédiatrie et la médecine adulte, dans une logique de coordination, avec une réflexion particulière sur l'autonomie. Deuxième élément, c'est une étude médicale qui, dès 2003, montre que pour un certain type de leucémie, traiter des jeunes patients avec un protocole adulte donne de meilleurs résultats. Ça incite donc à faire collaborer les médecines pédiatriques et adultes, et où ça ? Bah, par exemple, au sein d'unités AJA. Un mot sur les autres facteurs qui ont façonné le modèle de prise en charge. La formation des professionnels pour, par exemple, que les médecins puissent connaître les symptômes du cancer chez les jeunes patients, parce qu'on n'y pense pas souvent, à leur âge, l'impact des représentations sociales à son âge, j'ai pas pensé à un cancer tout de suite. Il y a aussi l'idée de faire reconnaître l'importance d'ouvrir des essais thérapeutiques spécifiques pour les AJA. Et pour conclure cette analyse socio-historique, on peut dire qu'il s'articule à la question de reconnaissance. La reconnaissance donc des besoins spécifiques à cette population, avec la construction d'un savoir médico-psychosocial sur la bonne prise en charge. Comment ce savoir se construit-il ? Est-ce qu'il est à partir de la parole issue de l'expérience des patients, des soignants ? Je vais en parler juste après. Autour de la reconnaissance d'une troisième spécialité, donc entre les charges, prise en charge pédiatrique et adulte, réflexion sur l'autonomie et reconnaissance de nouveaux métiers spécialisés, dédiés, avec des logiques de coordination, de collaboration et de formation à partir du savoir construit. Le plan cancer 3 indique que les objectifs de cette prise en charge des ados atteints de cancer vont être définis dans un cadre national, ce qui revient à dire, pour nous remettre dans la tension initiale entre standardisation et personnalisation, que tous les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer vont être traités de la même façon, c'est-à-dire différemment. Et justement, dans mon analyse anthropologique de terrain, la prise en charge se trouble face à la singularité des expériences qu'elle met pourtant en évidence. Reconnaissance de catégories légitimes, des patients âgés avec des droits, et en même temps refus de ces jeunes d'être considérés uniquement à partir de leurs âges. Pour vous parler de l'expérience, j'ai donc passé 6 mois en tant qu'animateur dans le service Coquelicot 3 de l'hôpital Saint-Louis, première unité de soins en France depuis 2011 dédiée à la prise en charge des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer. Je voulais donc pouvoir observer le fonctionnement quotidien de ces structures pour m'intéresser à l'expérience vécue par ces jeunes. Il m'a fallu pour cela négocier ma présence sur le terrain. J'ai été pendant de nombreuses années animateur à l'hôpital, c'est ce qui m'a amené à travailler là-dessus. Donc le terme de la négociation, c'était que j'assure une activité d'animateur, que je lance une dynamique d'animation. Dans cette partie sur le statut de l'expérience, quand tu en parlais, Martin, je ne peux pas mentionner le registre de l'émotion avec des situations parfois dramatiques à mes yeux. Et donc derrière cette réflexion sur ma propre subjectivité, je pose la question du statut de l'expérience du chercheur. Est-ce que s'agit réellement d'une expérience personnelle ? Parce que je vais remarquer que j'ai eu des réactions tout à fait différentes sur le terrain et quand ces questions se sont posées dans ma vie personnelle. Donc est-ce qu'il s'agit d'une expérience personnelle ? Pour parler de ça, je vais faire un retour sur mon terrain en parlant de méthode, en gardant à l'idée que la méthode, c'est le chemin une fois qu'on l'a parcouru, comme le dit un sociologue. Je vous parlais du recueil du matériel. Donc quel a été mon chemin ? Recueil de matériel, ça ne me permettait pas de faire des entretiens formels. Et c'est la question qu'on t'a posée, est-ce que tu as fait d'entretien réel, vraiment avec tes enfants ? Moi aussi non, c'est des entretiens informels, où du coup j'essayais de me souvenir de ce qui avait été dit, j'avais mis en place des codifications. Après, je ressortais dans les chambres et je notais tout sur un petit carnet. Donc, j'interroge le statut de la parole issue de l'expérience du chercheur. Car même dans le cadre d'entretiens retranscrits, plus ou moins fidèlement, la description de la situation d'entretien, c'est-à-dire le contexte de production de la parole, informé par le statut des interlocuteurs, le lieu, l'heure, le ton de la question, bref, c'est tout un ensemble de paramètres qui vient en permanence reposer cette question du statut de la parole issue de l'expérience. De même, mon observation participante en tant qu'animateur implique un regard de chercheur-acteur nécessairement situé. Nous avons nous-mêmes, chercheurs, des identités fragmentées, informées et déformées, consciemment et inconsciemment par notre histoire, notre vécu, notre rapport à l'objet. Et c'est ce regard nécessairement situé du chercheur en sciences humaines et sociales, par rapport à l'objectif de donner à voir la complexité de la réalité sociale, qui interroge l'écriture même des sciences sociales avec cette question centrale qui a été posée en introduction. Comment parler ou tenir compte d'une expérience qui n'est pourtant pas la nôtre ? Je voulais développer ici une partie sur la monographie, mais pour des raisons de temps de présentation, j'ai dû faire quelques coupes. Je vais vous parler de la construction du savoir médico-social sur l'adolescence, assez rapidement. En m'arrêtant quelques instants sur le savoir produit par les professionnels de santé pour le modèle de prise en charge AJA. Il y a une logique d'expérience. Un pédiatre à Londres m'a expliqué qu'un pédiatre dans sa vie ne voit que 90 pathologies dans sa carrière, tandis qu'un médecin adulte voit 250 pathologies par an. Donc il y a cette idée de mutualiser les expériences. Dans une guidance anglaise parue en 2012 qui s'appelle le Blueprint of Care, on peut ainsi lire que le modèle de prise en charge pour les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer est basé sur l'expérience croissante dans ce domaine et sur le consensus plutôt que sur des données de recherche. Donc ce modèle s'appuie sur l'expérience des acteurs de santé pour faire une activité commune et connue selon les mots du chef de service de Saint-Louis. Et ce modèle qui s'appuie sur l'expérience des acteurs de santé s'écroule parfois devant des situations singulières où l'on est tous inexpérimentés, comme la fin de vie dont parlait Martin tout à l'heure. À partir de mes observations de terrain, je peux montrer que le modèle de prise en charge personnalisée des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer réalise un idéal compassionnel du soin et de la prise en charge en lien avec nos représentations sociales sur l'adolescence. Je compte plus les fois où j'ai entendu « Ah, si j'avais un cancer et que j'avais leur âge, je voudrais être soigné ici ». Ou encore « Un ado atteint de cancer, ça reste un ado, donc normal, normalité comme tous les autres, avec les mêmes besoins et les mêmes problématiques ». Il y a donc réalisation d'un idéal de prise en charge. Pour quel résultat ? Pour que les jeunes se comportent comme des jeunes, satisfaisant la représentation que nous avons de l'adolescence. On va donc solliciter, prendre en charge les AJA à partir de l'expérience médicale et de représentation sociale sur l'adolescence. Cela indique de quelle manière on peut se comporter quand on est adolescent et qu'on a un cancer, et à quelles difficultés on se doit de prêter garde. Les conduites à risque, sexualité, drogue, tabac, addiction, l'observance, la compliance, la rencontre avec les pairs pour éviter l'isolement, s'exprimer à partir de soi. Et la façon dont ce modèle de santé est élaboré à partir de l'expérience des professionnels de santé et en lien avec nos représentations sociales sur l'adolescence me permet d'ouvrir sur ma dernière partie portant sur la parole des adolescents avec un regard critique qui peut être posé sur la dernière catégorie d'acteurs que je souhaitais aborder aujourd'hui, le patient. En posant cette question, le patient, adolescent et jeunes adultes, ou jeune adulte d'ailleurs, atteint de cancer, est-il acteur de ses soins ? Pour tenter de répondre à cette question, je me suis posé la question, à partir de mes observations de terrain, de la place du jeune dans la relation médicale et soignante. Pour ça, j'étudie dans ma thèse les sollicitations et les usages de la parole de ces adolescents dans les normes et organisations soignantes. Et donc, à partir de cet objet de recherche, je vais prendre les trois thèmes du plan Cancer 3 dont j'ai parlé tout à l'heure, les trois moments où le patient est encouragé à être acteur de ses soins, l'information, l'éducation thérapeutique et la démocratie sanitaire. Concernant l'information, un acquis donc de la loi du droit des malades de 2002, qui donne accès, le droit à chaque patient d'accéder à son dossier médical. On sait depuis l'enquête de Sylvie Finzang en 2006 que justement les informations ne sont pas données à tout le monde de la même manière, mais selon ce que les soignants pensent que les patients sont capables de recevoir, d'assimiler, de comprendre. Pour la prise en charge des AJA, c'est un peu plus compliqué. Il va y avoir la présence des parents qui va interférer sur la circulation de l'information. Ou pas. C'est-à-dire qu'au sein même de cette catégorie, adolescent jeune adulte, les soignants vont opérer une évaluation du profil du jeune. Est-il plutôt d'un profil pédiatrique ou plutôt d'un profil adulte? Dans AJA, AJA, est-il plutôt A, adolescent, ou plutôt JA, jeune adulte? Comment ça se passe? On prend des dimensions, les soignants prennent des dimensions sociales. Est-ce qu'il habite chez ses parents? Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est marié? Professionnel? Est-ce qu'il est étudiant ou engagé dans une activité professionnelle? Affective et émotionnelle? Quel est son degré de maturité? Et c'est quelque chose qui pose réellement problème pour la prise en charge, puisque je cite le chef de service pour l'accès à l'information. Entre une jeune fille de 15 ans chez papa-maman et un garçon de 25 ans qui travaille, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques et on a du mal à absorber cette diversité. C'est paradoxal du coup d'avoir créé une catégorie, mais l'analyse socio-historique proposée plus haut peut éclairer un peu en partie les raisons de ce regroupement, de faire des unités AJA, qui posent pourtant des difficultés en termes d'accès à l'information et à la place du patient dans la relation médicale. Pour parler du deuxième point, l'éducation thérapeutique, je garderai l'innovation du plan cancer 3, présenté comme tel, avec l'utilisation des patients ou anciens patients comme ressources pour construire ces programmes d'éducation thérapeutique portant sur l'alimentation, par exemple, la gestion de la fatigue par le sport, la sexualité. A noter que cette notion d'éducation thérapeutique est largement critiquée aujourd'hui par les associations de patients qui avancent que le patient n'est pas à éduquer. Qui préfère la notion de patient expert ou de savoir du patient. L'idée de patient ressource me fait penser immédiatement à la promotion dans le modèle de santé AJA de la rencontre avec les pairs. C'est important, m'a-t-on dit, et c'est écrit dans des textes, que les jeunes se rencontrent, puissent échanger comme tous les adolescents de leur âge. Et ça contraste complètement avec mes observations du terrain où les jeunes ne voulaient pas rencontrer d'autres patients à d'autres stades de la maladie, abîmés physiquement, comme une annonce de ce qui pourrait leur arriver à eux. J'ai ma copine qui passe tout à l'heure, j'ai un pote qui vient regarder le match, j'ai mon ordinateur, j'ai pas envie de sortir, regarder, parler avec les autres. Quand j'ai voulu lancer une page Facebook pour les patients, le responsable du service était réticent à l'idée que les jeunes puissent échanger parce qu'ils pourraient critiquer les personnels et ce serait dangereux, ou alors pourraient dire un peu tout et n'importe quoi sur leur pathologie, des choses très crues que d'autres à différents stades de la maladie pourraient mal vivre. Alors parler d'éducation thérapeutique, et c'est peut-être la seule chose, la chose la plus importante que je voulais dire aujourd'hui, m'invite à parler de compliance et d'autonomie. Je voudrais partir d'une affiche exposée par les soignants à l'entrée du service. Sur cette affiche, on peut voir l'idée d'une compétence professionnelle pour décrypter les sentiments des adolescents. On voit des visages d'ados avec des états mentaux écrits en dessous, révoltés, heureux, désespérés. Mais tous ces visages sont identiques. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est à mon avis une bonne image pour montrer de quelle manière ce que disent les adolescents peut être disqualifié par les savoirs de la prise en charge. Ça peut vouloir dire qu'il faut les aider à s'exprimer, donc solliciter la parole, mais ça rappelle aussi que ce sont des ados et qu'à leur âge, on ne peut pas toujours prendre au sérieux ce qu'ils disent, qu'il faut se méfier de ce qu'ils ne disent pas, ou de ce qu'ils cachent, ou même que parfois ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que dans cette unité où l'on sollicite la parole, cette parole d'adolescent malade est parfois disqualifiée. Bon, il a dit ça, mais il fait vraiment sa crise d'ado ce matin. Je ne pourrais pas entrer en détail malheureusement sur les exemples de terrain, mais ça pourra venir dans la discussion. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'expression des besoins par les adolescents et jeunes adultes est parfois évacuée par la disqualification de cette subjectivité revendiquée au motif de comportements imputables à l'adolescence. Parce qu'un ado de cancer, ça reste un ado. Donc tout ça en référence à un savoir sur l'adolescence à partir duquel doit se réaliser un idéal de prise en charge. Et j'ai assisté à des conflits entre jeunes et soignants sur les cigarettes, les joints, les horaires des levées et des couchers. Et souvent, les revendications des jeunes trouvent pour réponse des formalisations de normes professionnelles. Il faut écrire des règles de service. Alors que le jeune, et c'est toute la difficulté de la question de l'autonomie, voulait justement discuter de ces normes en disant « mais c'est ma santé ». D'ailleurs, il y a un jeune qui a fait une chanson de rap en disant « on m'interdisait d'aller fumer, je savais que c'était ma santé, mais je voulais juste voir quel effet ça faisait de tenir debout ». Donc on voit l'écart entre cette fameuse survie à 5 ans, objectif médical, il faut donc garder un rythme, une hygiène de vie normale pour le suivi à long terme, et la fameuse survie à 5 ans, donc opposée parfois violemment à la volonté des jeunes que j'ai pu rencontrer de vivre ici et maintenant. Ce qui se passe alors, d'après mon analyse modeste, mais anthropologique, c'est que le sujet adolescent est dans ces cas-là évacué de la relation médicale et du projet de soins en fonction de catégorisations, petite racaille, caïque de cité, petite fille modèle, bâti sur les éléments les plus solides de la subjectivité. Bah oui, oui, je suis une racaille, je suis un caïque dans ma cité. Mais ces éléments de subjectivité sont rebrassés dans les représentations morales et sociales des soignants. Il a fait ça, il veut faire sa loi ici comme il veut la faire dans la cité, et ici on ne va pas se laisser marcher dessus. Alors que ce sont des éléments pourtant qui expriment la singularité du patient et dont la prise en compte était au fondement même du projet de personnalisation du soin. Je peux donc montrer comment le patient n'est pas toujours acteur de sa prise en charge à partir d'actions comme l'éducation thérapeutique promouvant pourtant l'autonomie. Et comment il n'est pas acteur, parce qu'on les prend en charge de manière catégorisée et non personnalisée. Personnalisée, c'est vrai, en fonction de ce qu'ils expriment de leur subjectivité sans les ramener à une adolescence normale et normée. Parfait. Dernier point avant la conclusion, dernier thème, la démocratie sanitaire. À l'école des hautes études, un stage a été monté l'an dernier avec la Ligue contre le cancer pour revenir sur le dispositif DOPAS. C'était une enquête qui a été menée par la Ligue afin de mieux connaître les patients atteints de cancer. La Ligue a lancé une collecte nationale de retours d'expérience des patients sur leur vie. Il s'agissait d'un questionnaire ouvert en fait, qui abordait 7 thèmes comme l'argent, la famille, le travail. Et ces thèmes avaient été définis en amont, d'après l'expérience des acteurs de santé de la Ligue, dans chaque comité départemental. Et c'est à partir de cette présélection qu'on va solliciter la parole des patients, c'est-à-dire à partir de l'expérience des acteurs de santé et des représentations sociales de la maladie. Pour ce stage, nous avons donc opté de notre côté sociologue pour mener des entretiens non directifs avec une consigne large sur l'expérience de la maladie. Et nous avons fait des entretiens avec des patients sans imposer de thèmes prédéfinis par un savoir préexistant. On a trouvé des résultats bien différents de ceux de la Ligue. Ce qui m'amène aujourd'hui à dire, concernant la sollicitation des patients dans la démocratie sanitaire, que c'est la manière dont on sollicite la parole, la manière même, qui vient renseigner parfois celui qui la détient. C'est-à-dire que pour que le patient soit acteur, il ne faut pas le solliciter à partir de ce que nous croyons déjà savoir, mais garder à l'idée que l'expérience du cancer est singulière, personnelle. On ne peut pas présupposer à l'avance de ce que la maladie fait aux gens. Je vais conclure en rappelant que je souhaitais porter aujourd'hui un regard à partir de mon expérience de terrain sur les acteurs dans le champ de la cancérologie, acteurs associatifs, patients, professionnels spécialisés et chercheurs, sous le paradoxe d'un refus des catégories et de la montée d'une demande de reconnaissance et de légitimation de ces catégories. L'analyse socio-historique du modèle de prise en charge des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer montre bien comment ce mouvement de reconnaissance des acteurs, des malades, d'une spécialité médicale peut impulser des innovations en termes de diversification de l'offre de soins. Quand on se pose la question anthropologique de ce qu'une société fait de ses malades, cette analyse nous rappelle également que la parole du malade, la reconnaissance de l'expérience personnelle de la maladie, est au fondement même de l'élaboration de ces nouveaux dispositifs et des actions pour les malades. Et c'est d'ailleurs pour ça que la notion de droit à l'oubli, on ne peut pas emprunter à la notion de droit à l'oubli dans le dernier plan cancer qui vient de sortir, le droit d'emprunter de l'argent comme tout le monde une fois qu'on est guéri. C'est pour cette raison que j'ai un peu tiqué sur cette notion de droit à l'oubli, je trouve ça assez spécial, justement parce que les droits des malades s'appuient sur la reconnaissance, donc mémorielle, de leur expérience de la maladie. Il ne s'agit pas pour ces patients d'exercer un droit à l'oubli qui serait un oubli de ce qu'ils ont vécu, soit une absence de reconnaissance de la singularité de leur expérience, mais d'exercer un droit à la citoyenneté qui ne soit pas réduit à une identité de malade. Pour conclure mon intervention, je dirais que la réflexivité des acteurs, tous ceux dont j'ai parlé, surtout les soignants, sur leur pratique, la volonté d'un dépassement des rôles sociaux nous invite aujourd'hui, nous chercheurs, à renouveler nos catégories d'analyse scientifique pour ne pas confiner, écraser les personnes, les individus, les sujets, les acteurs, quel que soit le vocabulaire employé, ne pas les réduire à des identités dans lesquelles on ne se reconnaît pas totalement. Des identités dans lesquelles on se trouve défiguré, déformé, et pourtant des identités à partir desquelles on produit toujours du savoir pour développer des modèles d'accompagnement, de prise en charge et de relation à l'autre. Voilà, je termine. Merci. J'ai l'impression que chacun des intervenants de